And the winner is... Jusqu'à la dernière minute, maman avait espéré que Maxime se défilerait. Elle ne l'avouera jamais publiquement, mais elle est affreusement désolée de voir sa fille manipulée par celui qu'elle surnomme intérieurement le Rastaquer. Dommage que son aveuglement, son besoin de contrôle ait précipité le dénouement. Considérée par sa propre mère comme une rivale, manquant sensiblement d'assurance, Faustine, malgré son intelligence et son caractère bien trempé, a été une proie relativement facile pour le séducteur quadragénaire. Comment repousser la seule personne au monde qu'il aime au point de tout quitter pour elle? Maintenant, il est trop tard. Souvenez-vous, quand Faustine n'a pas donné suite à leur coup de foudre en décembre 76, apprenant qu'il était marié, Maxime, venu la chercher un mois plus tard, s'est attaché malgré tout à la séduire. Devenue sa maîtresse mais prenant conscience des risques, refusant surtout de briser son ménage, elle tente une rupture définitive en avril 77. C'est là que maman a raté le coche. Elle aurait dû la laisser partir à l'étranger au moins quelques mois. Faute de quoi, Maxime, après des semaines de harcèlement épistolaire et téléphonique, menace de se suicider. Faustine, elle n'a que 20 ans, ne peut que le prendre au tragique. Dans une dernière tentative de le détacher d'elle, elle lance son ultimatum. « Si tu me veux, divorce !» persuadée que cette fois, il se détournera d'elle définitivement. Contre toute attente, il accepte. Cela marque pour elle un point de non-retour, car devant cet engagement, elle se doit de respecter sa parole. Quelle pitoyable salope elle serait si elle le laissait tomber, maintenant qu'il a accompli l'ultime condition par elle fixée. Pour l'heure, loin de ses considérations, éperdument amoureuse, elle se contente d'être heureuse. Seul bémol, maman, mauvaise perdante, n'accepte sa démission de l'atelier qu'avec un préavis de 6 semaines. Faustine, catastrophée, en fait part à son amant qui la rassure. Dans le fond, ça l'arrange bien. D'un côté, leurs repas mutuels ne pourront pas être reliés. De l'autre, ça lui laisse le temps d'intégrer son nouveau boulot sans avoir à se préoccuper d'un logement dans l'immédiat. Que sa chérie ne s'en fasse pas. Non seulement il descendra chez elle tous les week-ends, mais ils auront la chance de commencer leur vie commune par des vacances. Le dessert avant le plat principal, somme toute. Tu aimerais faire du bateau ? Oh que oui, s'exclame Faustine, tu le sais. Ça tombe bien, parce que je nous ai trouvé une école de voile basée à Port-Grimaud. Je pensais nous inscrire à un stage de 15 jours. Et on ira où ? La première semaine, initiation sur la côte. On naviguera entre Port-Grimaud et Marseille en passant par Cassis et Porquerolles. La semaine d'après, on ira jusqu'en Corse. Fantastique, merci mon amour. D'ici là, chaque fois que je redescendrai, je te montrerai 2 ou 3 coins que j'aime bien. J'ai l'intention de bien profiter des week-ends de prolongés du mois de mai. D'accord, je m'occuperai de la logistique. Ces premières escapades figureront sans conteste parmi les plus beaux souvenirs de la vie de Faustine. Maxime, descendant de Paris dans la nuit, dort 1 heure à peine sur un parking. Arrivé à Grasse aux petites lueurs du matin, il se repose pendant que Faustine va faire les courses. Après quoi, ils prennent la direction de l'arrière-pays, lesté d'un petit kilo de côtelettes d'agneau, d'une livre de pain, de quelques tomates bien mûres, sans oublier les amandines dont ils raffolent tous deux. Cette première fois, à peine dans la voiture, Faustine remarque que le pantalon de Maxime est troué. Malgré ses dénégations, personne ne le verra, je sais coudre moi aussi, je ferai ça à Paris, elle le convainc de s'arrêter 5 minutes devant l'atelier de la route de Cannes. Évidemment, à la machine, le tout ne prend que quelques secondes. Quelle efficacité ! Max est ravi. Faustine marque des points. En route ! En route ! Ce matin, il l'emmène à la découverte d'un endroit très spécial. Sur la route de Digne, entre Saint-Vallier et Castellane, existe à flanc de colline un village abandonné nommé Illioux. Y subsistent quelques ruines. Des maisons étêtées, aux intérieurs envahis de mousse. Un sentier serpentant entre les herbes folles jusqu'à l'église, dont le bénitier déborde encore des dernières pluies. Devant l'autel, Maxime, saisissant la main de Faustine, l'oblige à se tourner vers lui et proclame « Faustine, ici même je te prends pour épouse devant Dieu, mais pas devant les hommes. Je te promets de t'aimer et de prendre soin de toi aussi longtemps que je vivrai. » Maxime, ici même je te prends pour époux devant Dieu, mais pas devant les hommes. Je promets de t'aimer et de prendre soin de toi aussi longtemps que je vivrai, de te suivre partout, mais pas de t'obéir. Les amoureux éclatent de rire, s'embrassent, puis retournent vers le village en quête d'un emplacement adéquat. L'heure n'est pas à la rigolade. Muni de quelques sarments, Maxime a tôt fait de griller leurs côtelettes agrémentées d'un peu de farigoule, entérinant leur promesse par un joyeux festin. Pour la sieste, ils n'iront pas dans la grosse bâtisse qu'ils ont baptisée le bordel, parce que, dit Maxime, après avoir fauté, les paroissiens allaient demander l'absolution en face. Fauté. Est-ce le terme qui convient sur l'herbe tendre qui les accueille? Nus au soleil, les amants savourent leur bonheur d'être ensemble, enfin. Ce soir, ils rentreront à la maison de grâce pour y passer leur première nuit de couple. Le lendemain, c'est vers Aise qu'ils se dirigent. Mais comme ils se sont endormis très tard, ils ont des mois de frustration à rattraper, ils ont dormi longtemps. Midi est bien dépassé quand ils arrivent enfin au vu d'une auberge qui affiche complet. Affamés mais pas découragés, ils poursuivent jusqu'à une grosse ferme qu'on leur a indiquée au bout du village. La petite place vibre de chaleur. Le chien assoupit au milieu de la route met du temps à se bouger pour les laisser passer. Tout est désert et silencieux, mis à part le bourdonnement des insectes. Néanmoins, quand ils frappent à la lourde porte, on leur répond d'entrer. L'immense pièce est garnie d'une table en bois massif en son mi-temps. La patronne, une sexagénaire vive et enjouée, leur fait signe de s'asseoir. Elle prétend, peu chère, n'avoir rien à offrir. Elle n'a plus l'habitude de recevoir du monde. « Tant pis, disent-ils, nous prendrons ce que vous trouverez. Nous mourrons de faim. » Deux ou trois poules ont profité de l'ouverture de la porte pour se glisser dans la salle à manger et viennent picorer quelques miettes sous la table. Faustine lève les pieds. Un chat, sorti de nulle part, leur donne la chasse. Mais les gallinacées ne se laissent pas faire. Tout émerveille nos deux amis qui rient d'un rien et apprécient chacun de ces instants exotiques. Commence alors un incroyable ballet. Comme par magie, la patronne, qui dit s'appeler Amalia, fait surgir de sa manche une terrine de lapin, du pain frais, des cornichons et des oignons, suivis de près par des radis encore humides d'avoir été sortis de terre et rincés proprement. Pour suivre, une omelette magistrale, entourée de jambon cru et cuit, et pour le dessert, rien d'autre qu'un reste de tartorie. Et quel reste ! Le petit vin de Latreille qui accompagne le tout encourage à la sieste. Voilà une clairière à la sortie du patelin qui tombe à pic. Hélas, le temps vient trop vite où Maxime reprend la route de Paris. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ils ont beaucoup parlé entre deux gueuletons, nos amoureux. Maxime, persécuté 3 fois par jour au téléphone par son père, qui veut absolument arranger les choses dans son couple, a décidé de contacter un avocat. Il souhaite engager une procédure de divorce le plus rapidement possible afin que personne ne puisse le faire revenir sur sa décision. Il demande à Faustine ce qu'elle préfère, qu'il se débarrasse de sa maison du vieux Cagne, obligeant Madame Aix à déménager avec les filles, ou qu'il la lui offre. Cela signifie finir de payer le crédit, en plus de verser une pension pour les petites et leur mère, puisque cette dernière ne travaille pas. Faustine ne pouvant s'empêcher de se sentir coupable d'avoir ôté un mari à sa femme et un père à ses enfants, choisit cette dernière solution, bien sûr. Elle se voit mal les priver en plus de leur maison. Évidemment, il faut qu'elles y restent, c'est là que les filles sont nées. On se débrouillera bien tous les deux. Je t'aiderai par mon travail. De toute façon, on va quitter le pays, non? On gagnera plus en Amérique si c'est bien là qu'on va. Bien sûr, mais je me devais de te le proposer. C'est gentil, mais je n'ai pas du tout l'intention de spolier la mère de tes enfants. Faustine se posera encore la question 40 ans plus tard. Est-ce par manque de confiance en elle, d'amour pour lui, par clairvoyance, besoin de se démarquer définitivement au travers d'une largesse d'esprit inhabituelle? Toujours est-il que ce jour-là, elle avait rajouté « Puisque nous en sommes aux questions de fond, mon chéri, je voulais te dire, je sais que tu as souffert pendant 10 ans de la jalousie maladive de ta femme. Alors, comme nous allons devoir vivre séparés encore quelques semaines, j'aimerais que tu te sentes vraiment libre. Sache que je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu vives cette période en célibataire disponible. » Comment ça? Vois-tu, je n'ai jamais été jalouse et je n'ai pas l'intention de le devenir, du moins en ce qui concerne la baise. Je te rassure, ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Par conséquent, je pense que si tu rencontres une occasion, tu aurais tort de te gêner. C'est tout. On commencera la vie commune quand je t'aurai rejoint à Paris. On se dira tout alors, sans entrer dans les détails, s'il te plaît. Il me suffira de savoir que tu es heureux. Maintenant que tu as ôté tes chaînes, je n'ai pas envie de t'en remettre. Mon tendre amour, ta générosité t'honore. Sois sûr que je n'en abuserai pas. Maxime est reparti. Route de Cannes, Faustine retrouve papa et Stéphane. Maman est partie en vacances, seule. Pas très loin, semble-t-il, puisque papa, passé la première semaine, est allé la retrouver tous les après-midi. Faustine, en préparant son grand départ, termine les dernières commandes de la saison d'été et s'occupe de l'intendance. Les hommes de la famille se sentent un peu perdus, c'est sûr, mais cela ne dure pas. Un soir, ses deux parents reviennent ensemble. Maman a les yeux rouges et bouffis. Elle file se coucher sans même embrasser ses enfants.